France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Bienvenue au Studio 105, en direct, en public, à France Musique. France Musique aime la comédie musicale et cette année encore, 42e rue vous proposera chaque mois en direct, en public, un concert privé avec ceux qui font aujourd'hui la comédie musicale en France et dans le monde. Nous nous réjouissions de fêter avec Michel Legrand les 50 ans des Demoiselles de Rochefort. Mais voilà, des impératifs d'agenda, des problèmes d'avion nous ont forcés à annuler le concert prévu ce matin, que nous espérons reprogrammer très bientôt. Du coup, je vous propose deux autres plateaux que je vous promets tout aussi réjouissants ce matin sur France Musique. Nous accueillons en effet deux jeunes troupes de comédie musicale au répertoire, mais alors complètement opposé. L'une s'appelle les Frivolités parisiennes. Elle se focalise sur le répertoire de l'opéra comique et de l'opérette du début du XXe siècle. Et j'avais particulièrement apprécié leur production de Yes, une opérette jazzy de Maurice Yvain, actuellement en tournée en France. Ils sont venus ce matin avec leur orchestre de 14 musiciens et nous proposeront des extraits d'un album autour des échanges dans la comédie musicale entre Londres, Paris et Broadway. Et puis, l'autre troupe s'appelle Broadway au carré. Depuis 4 ans, elle fait découvrir des comédies musicales contemporaine qui se joue off-Broadway. Elle a été créée par Lisandro Nessis et c'est une formation actuellement en résidence à la Comédie Nation, mais qui a joué aussi jusqu'à New York, par exemple au prestigieux cabaret 54 Below. Ce matin, nous recevons 8 artistes de Broadway au carré. Et pour débuter, voici une chanson extraite d'un cycle de chansons intitulé Cabot Cove. En fait, c'est inspiré de la série télévisée que vous connaissez, Arabesque, avec Angela Lansbury. Cette chanson, eh bien, est interprétée par une jeune fille un petit peu énervée lorsqu'elle regarde les photos de son ex, qui s'éclate, il faut bien le dire, sur les réseaux sociaux. C'est interprété par Marion Préité et John Fioranchino au piano. Supposed to give a damn, but I can't help it when I see your face all over Instagram. Not that you should still be single, it's been a while since you were shown the door, but your new photos, likes and comments, I have seen them all before. We used to make such beautiful music, it was enough to make a grown man swoon. It breaks my heart to hear you singing a not so different tune. Murder in a minor key. Murder. Murder in a minor key. It's okay to play around, I just thought you might have found someone new that didn't sound like me. And it's a murder in a minor key. Did you think I wouldn't notice the mortifying similarities? The same old never-ending selfies, same obnoxious emojis. Maybe you're on autopilot, you gotta know that it's the same routine. I'd sue for copyright infringement, but I don't wanna make a scene. We used to make such beautiful music, there comes a time when even good songs stop. So what about the final coda, meant to take it from the top? And it's a murder, murder in a minor key. A murder, murder in a minor key. Oh, it's okay to play around, I just thought you might have found someone new that didn't sound like me. and it's a murder and a minor key. Well, I know it's nothing major, and I know that we're all finished. It's just that I can't help but feeling the slightest bit diminished. It's okay to play around. I just thought you might have found someone new that didn't sound like me. And it's a murder in a minor key. Elle s'appelle Marion Préité. On l'avait reçue l'an dernier dans une comédie musicale qui s'appelle Next Thing You Know. Elle sera bientôt à l'affiche des aventures de Tom Sawyer au théâtre Mogador. Et elle était accompagnée au piano par John Florencio. Bonjour, Lisandro Nesis. Bonjour. Vous avez un joli accent argentin. C'est vous qui avez créé Broadway au carré. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce compositeur et cette comédie musicale, enfin ce song cycle qu'on ne connaît pas? Oui, absolument. Joe Orbigno, c'est un des compositeurs que nous avons rencontrés à New York lors d'un de nos concerts là-bas, et on a tout de suite sympathisé, on l'a invité à Paris. Il est venu ici, il a fait un concert avec nous, Marion était dans cette distribution-là, et c'était un concert un peu marquant pour nous également, parce que il s'est fiancé pendant qu'il était à Paris, ah. Au bout de deux jours. Avec une Française, vous voulez dire? Non, avec un Américain. Ah d'accord, pas du tout ça. Okay. Pas du tout ça, mais voilà. Et donc oui, Joël aime beaucoup la série Arabesque, et donc ouais. Il s'est inspiré des titres des épisodes pour écrire un song cycle, dont cette chanson. Lisandro, vous avez un parcours absolument incroyable. Vous avez débuté vos études au conservatoire de Buenos Aires, et puis vous les avez poursuivies en France à partir de 2002, notamment au CNSM de Lyon. Vous avez un faible pour la musique ancienne. Vous étiez du Schöpfung, l'oratorio de Joseph Haydn. C'était à la Philharmonie il y a quelques semaines sous la direction de Simon Rattle. Hier soir, vous étiez encore en répétition à l'Opéra de Rouen pour la Norma de Bellini sous la direction de Fabrizio Carminati. Alors, qu'est-ce que vient faire au milieu de tout ça, Broadway au carré? Alors, il y a quelques années, ça faisait déjà 10-15 ans que je faisais de la musique baroque et de la musique lyrique, l'opéra, et j'ai eu envie d'aller vers d'autres horizons, parce que j'avais également une formation de comédien, et que j'avais encore plus envie de mélanger théâtre et musique. Et je suis allé à New York rendre visite à des amis qui m'ont amené voir des comédies musicales à Broadway, et je me suis dit, quel beau mélange de théâtre et de chant, au-delà même de ce qui est stylisé dans le milieu de l'opéra. Et je trouvais ça absolument génial, ce mélange. Et donc, j'ai eu envie de créer ça ici, de faire venir des compositeurs américains pour travailler avec les artistes français et européens, avec les artistes interprètes d'ici. Et donc, on a créé une sorte au départ, on a un petit concert, puis deux concerts, puis une série de concerts tous les mois. On était au départ au Carré Parisien, finalement après à la Comédie Nation en résidence. Et on a déjà fait venir une quarantaine de compositeurs américains pour travailler avec nous. On a fait plusieurs productions complètes, donc de comédie musicale en entier. On a fait plein de concerts, des scènes ouvertes également, où vous pouvez tous les deux mois venir chanter vous-même des chansons de comédie musicale américaine à la Comédie Nation. Et ce qui me tient à cœur, de la même manière qu'on fait l'opéra en italien par exemple et qu'on ne la traduit pas, ça me tenait à cœur vraiment de faire de la comédie musicale américaine en langue originale. Donc Broadway au carré, c'est un cycle de comédie musicale américaine en anglais. Donc contrairement à plein d'autres comédies musicales qui sont traduites en France. Alors parmi les spectacles que j'ai découverts grâce à vous, je dois bien dire à Paris, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu, je crois que c'était il y a deux ans, une comédie musicale, on va dire quoi, post 11 septembre. Absolument. Il y en a beaucoup de ces comédies musicales off-Broadway, donc qui ne sont pas jouées dans des grands théâtres, c'est des petits ensembles, des petits ensembles de musiciens, et qui parlent en fait des New-Yorkais après le 11 septembre. Et ça s'appelle Ordinary Days. On va entendre un extrait, juste, quelle est cette comédie musicale? Alors Adam Guan, qui est est également un de nos amis à New York, a composé cette comédie musicale Ordinary Days, qui est l'histoire de quatre personnages, deux hommes et deux femmes. La chanson que nous allons entendre, c'est la chanson que Claire chante à son ami, à son petit ami Jason, où elle lui avoue qu'elle est en fait déjà mariée. Il la demande en mariage, elle lui avoue qu'elle est veuve puisqu'elle a perdu son ami John, son mari, lors des attentats du 11 septembre. Et c'est une comédie musicale, donc c'était la première grande comédie musicale que nous avons montée en entier à la Comédie Nation avec les droits de Rodgers & Hammerstein de New York. On va également la faire à Buenos Aires en espagnol l'été prochain avec une autre distribution. Alors Broadway au Carré l'a créée en France, cette comédie musicale Ordinary Days, il y a 2 ans. Et c'est Prisca Desmarais qui incarnait Claire. Prisca, que vous connaissez, elle fut l'interprète mémorable de Memories dans Cats au Théâtre Mogador. Elle fut l'an dernier de Oliver Twist à la Salle Gaveau, pour lequel elle a reçu le trophée de la comédie musicale de la meilleure actrice. Et elle est accompagnée pour cette chanson qui s'intitule I'll Be There au piano par John Florencio. In front of Christie's, some freakishly cold winter's day. I had on several unflattering layers of wool. He slept on the ice with his grocery bags full. So I rescued some Fruit Loops he dropped by the curb, and he made some remark that my smile was superb. I thought that was sweet, and I started to go when he said, "Hey, what you doing tomorrow?" Because I'll be here at the corner of Bleecker and Mercer tomorrow at 7. If you want to meet up, I'll be waiting right here. And in case there are two fellas waiting for you, my name's John. He waved and then he was gone. To say, I went back there to meet him, mostly to see if he'd show. And there he was, out in the cold, with his jacket pulled tight. He took me to dinner and kissed me goodnight. The next week we went to this terrible play, and a week after that, drank hot chocolate all day. And then suddenly, 8 or 9 months had flown by when he said, "Hey, what you're doing the rest of your life?" Because I'll be here, right beside you, as long as you want me to be. There's no question, there is nothing I've wanted so much in my life. That might sound immature, but I'm totally sure you're the one. And we had just begun. We got hitched in September, our favorite month, with a rock band that played in that old synagogue. And we bought an apartment on West 70th Street and talked about children and getting a dog. Our first anniversary came in a flash, and we promised to take the day off. He had to stop into his office this morning, and so I was walking uptown to this bakery I know, when I heard on the street what I thought was a joke, till I noticed the sirens and saw all the smoke. So I'm running back home with this feeling of dread to the voicemail he left, with the last words he said, "I'm sorry, I don't mean to ruin your evening by bringing up all of this stuff. You're probably wondering why I even call you tonight. Well, today something happened that spooked me all right. I saw this storm cloud of paper fall down from the sky. And I thought of that day, and I started to cry. When as sure as I breathe, I heard John clear as day saying, 'Hey, you're allowed to move on. It's okay.' Because I'll be here, even if you decide to get rid of my favorite sweater, Even if you go out on my birthday this year instead of staying at home, letting all of life's moments pass by, you don't have to cry, because I'll be here when you start going back to the places we went to together. When you take off my ring and you let yourself smile, when you meet someone handsome and patient and true, when he says that he wants to be married to you, when you call him one night and he meets you downtown, when you finally answer him yes. Yes, Jason, I will marry you. I will give you my heart. It has taken so long, but I'm ready to start. Right now, John's whispering congrats in my ear, 'cause I finally let myself tell you that I will be here. On découvre ce matin dans le cabaret 42e rue sur France Musique des comédies musicales contemporaines grâce à la troupe de Broadway au carré. C'était Prisca Desmarais et cet extrait d'une comédie musicale intitulée Ordinary Days. La chanson s'intitulait I'll Be Here. Autre création, un spectacle qu'on n'a jamais vu à Paris et un duo d'auteurs, je dois dire plutôt réputés à Londres et même à Broadway. Il s'appelle George Stiles, Anthony Drew. Ils ont écrit, par exemple, les chansons supplémentaires de la version sur scène à Broadway de Mary Poppins. L'un de leurs spectacles à Londres revisitait Cendrillon en 2010. Alors, il le resituait, pour tout vous dire, dans le quartier gay de Londres, Soho. C'est une comédie musicale qui s'intitule Soho Cinders. Voici un titre intitulé Wishing for the Normal. En fait, c'est deux amis, un garçon et une fille, qui rêvent d'une relation parfaite avec le prince charmant, avec l'homme parfait. Voici Sophie Fagin, Adam Bingia et au piano John Fiorenzio. Just imagine pouring your conflicts, looking up at someone's there. Someone you have just spent a night with, someone's life you're proud to share. Haven't put my face on, haven't done my hair, haven't had to worry as it seems standing there. Just imagine out on the dance floor, turning round and there he is. It's your man, the one you came in with, 3 years on your hand in his. Living in a semi, or maybe have a cat. Nothing that's too fancy, tell me what's wrong with that. Wishing for the normal kind of dream, nothing too excessive or extreme. Hoping for the humdrum, is that ending high? Others seem to find it, tell me why on earth can't I? Wishing for the normal kind of dream, trouble is that harder than they seem. Am I too ambitious? Am I out of touch? Am I wishing for too much? Just imagine cooking lasagna like those adverts on TV. Sitting on the fake laser sofa, baby's bouncing on my knee. Living within reason and loving when I can. Feeling like a someone, not some sad old soran. Wishing for the normal kind of dream, trouble is that harder than they seem. Am I too ambitious? Am I out of touch? Am I wishing for two? Just imagine mowing the lawn. Just imagine popping some corn. Just imagine breakfast in bed. Just imagine owning a shed. Just imagine doing the school run. Going for picnics. Keeping a goldfish. Wishing, hoping for the humdrum. Is that aiming high? Others seem to find it. Tell me why can't I? Wishing for the normal kind of dream. Trouble is that harder than they seem. Going to a nightclub, cinemas and such, eating in a restaurant, happy to go Dutch. Am I too ambitious? Am I out of touch? Am I wishing for too much? Just imagine cleaning the Volvo. Just imagine planting a rose bush. Just imagine having a mortgage. Just imagine keeping a goldfish. A goldfish. For real. France Musique. 42e rue, Laurent Vallière. Avec Adam Bagia et Sophie Fagin, Wishing for the Normal, une comédie musicale de George Stiles et Anthony Drew. Lisandro Nesis, c'est vous qui nous faites découvrir tous ces artistes ce matin avec votre association, votre troupe, votre compagnie Broadway au Carré. Qui fait partie de cette troupe en fait? Alors, différents artistes que nous avons rencontrés au fur et à mesure du temps lors des open mic que nous organisons, ou bien dans des stages, ou des artistes qui viennent souvent aussi de Londres, de New York. Mais il y a un grand vivier d'artistes parisiens qui font extrêmement bien la comédie musicale en anglais. Et il faut bien sûr pouvoir bien chanter en anglais, bien jouer en anglais. Mais c'est assez impressionnant le niveau qu'il y a à Paris. Qu'est-ce que vous appelez les open mic? Les open mic, ce sont les scènes ouvertes que nous tenions jusque-là tous les mois et maintenant tous les deux mois à la Comédie Nation, où n'importe qui peut venir avec sa partition de comédie musicale américaine et chanter, accompagné d'un de nos pianistes. C'est souvent spécialisés. John. C'est souvent qui John est là Florencio. Aujourd'hui. John oui. Florencio. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez prévu cette saison? Alors, on ne peut pas tout pour vous les dire, Parisiens. Mais on va déjà vous parler un petit peu du prochain spectacle qui aura lieu le 14 et le 17 novembre à la Comédie Nation. On a la chance d'avoir un grand compositeur américain qui s'appelle Adam Overett qui revient à Paris. Nous avons la saison dernière fait un concert avec lui déjà ici, une création d'une nouvelle comédie musicale, et également nous avons fait un concert à Londres avec lui, et donc on l'a invité pour faire My Life is a Musical, sa comédie musicale en version concert à Paris pour la première fois en Europe donc. Et c'est une comédie musicale qui est assez géniale. C'est l'histoire de Parker, un jeune comptable qui a un grand secret, sa vie est une comédie musicale. Alors que les gens vivent leur vie de tous les jours, lui, il les entend chanter, il les voit danser, le tout accompagné par un orchestre invisible. Alors, on va entendre un extrait tout à l'heure. Oui, absolument. Mais juste après vous avoir entendu, dans un solo, alors vous allez jouer un dude, c'est-à-dire vous allez jouer un pote, dans une comédie musicale qui s'appelle The Dude Sickle, musique de Kyle Ewalt, paroles de Michael Walker. C'est quoi cette comédie musicale qu'on ne connaît pas alors, non plus? C'est Bromance de Dude Sickle. C'est une histoire de potes très mec. Et justement, cette chanson qui s'appelle The Phone Call, c'est la chanson chantée par un gars qui a rencontré une bande d'autres gars à une soirée pour la Saint-Patrick. Et donc, y a cet homme en particulier où il s'est dit, j'ai très envie d'être son pote, il m'a filé son numéro, mais est-ce que je peux l'appeler ou pas? Est-ce que c'est bien d'appeler quelqu'un et dire, est-ce que tu as envie d'être mon pote? Alors Lisandro, vous êtes ténor, on va pouvoir enfin entendre votre voix aussi dans cet extrait de cette comédie musicale Bromance the Dude Sickle. Donc imaginez le garçon qui essaye de se faire des amis et qui a donc son téléphone en poche. À un moment, il va même essayer d'appeler un de ses amis. Voici Lisandro Nesis, phone call accompagné par John Florencio au piano. give up. What was I thinking anyway? It's never gonna work. We met at a bar. We were both drunk. It was St. Paddy's Day, for Christ's sake. And who can't fake a connection on St. Paddy's Day? It didn't mean jack. I'm not even Irish. But we had so much fun. I mean, I laughed till I cried. There were tears in my eyes. Lord knows I need to relax. It's true, I need someone like you. I wanna take this chance. I can dial those keys. What have I got to lose? I should just ask him. Dude, do you wanna be my bro? Man, it's gonna be so great. We'll have a really good time. I can't wait. Watching people drinking buds, playing we all night like studs. So won't you please come on and be my bro? Be my bro. He probably didn't even like me that much last night. He thinks I'm a creep, some overly eager, friendshipless freak who's wound up way too tight to be cool. Oh God, did I send him a Facebook friend request direct from my iPhone while standing in front of him? That was so fucked up. Doesn't matter in the end, cause men don't call other men. But can I break the rule? I'm so confused, what should I do? Don't wanna miss my chance. I can dial him up. What have I got to lose? I should just ask him. Dude, do you wanna be my bro? Man, it's gonna be so great. We have a really good time, I can't wait. Watching football, pounding shots, scarfing tater tots and broads. Dear God, I'm on my knees, come on and be my bro. Be my bro. And it was fate when you spilled your beer on me. I was so ready to be pissed. And you told me, hey man, it's only fair. Spill one on me, dude, I insist. And as I went to tip my glass, I knew I'd found a friend at last. I've never felt so free before. Can't keep from calling anymore. Don't wanna lose my nerve, I better make it fast. Damn, répondeur. Hey, Dick, this is a... Hey, Dick, we met last night at the bar. And, you know, dude, I'm just calling, you know, like a guy calling another guy. Nothing more. So if you want to call me back, you totally should. Late, bro. Okay, what the fuck was that? I didn't even leave my name or number. He's not gonna call me back, he won't call back. Hey Dick, how's it going? Tonight? Yeah, let me just check my schedule. I'm free. Dude, that's awesome. See you tonight! Dude, now you're gonna be my bro. Man, it's gonna be so great. We'll have a really good time, I can't wait. Watching people drinking buds, playing we all night like studs. And for eternity, you're gonna be my bro. Be my bro. My bro, my bro, my bro, my bro. You're gonna be my bro. Il faut le voir, Alessandro Nesis, avec son téléphone portable en train d'appeler ce pote. Mais vous pourrez voir la vidéo, vous qui êtes derrière le poste, puisque France Musique filme toute cette émission Cabaret 42e rue. Alors vous pourrez retrouver les artistes de Broadway au Carré tous les deux mois à Paris à la Comédie Nation. Et Lissando vous l'a dit, le prochain rendez-vous, ça sera le 14 et le 17 novembre avec la création française d'une comédie musicale inédite, My Life as a Musical, de Adam Ovrette. Ce matin, pour terminer cette première partie du cabaret, voici un extrait de ce spectacle, Am I Crazy? En gros, c'est écrit par ce comptable qui prend sa vie pour une comédie musicale et qui a écrit pour une star une chanson en espérant que la manageuse de la star, pour qui il a quelques sentiments, comprendra qu'en fait, c'est lui qui l'a écrite, la chanson. Bon, je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, voici la star. Elle est interprétée par Bastien Jacquemart, bientôt à l'affiche de Guillaume Tell, le musical aux Folies Bergères. À côté, il y a Sonia Kiang qui vient de présenter sa comédie musicale Fort Bien, Très Loin, au Festival d'Avignon. Et Lissandro Nessis, une chanson intitulée Am I Crazy? Night we hit the dive bar, didn't think I'd make it long. But something in me changed when you started up that karaoke song. Am I crazy? Did you see me? Did you really tell me how you the world was hazy, the light was dreamy, like a magic spell, or was it real? So much I want to tell you, but I put it off for one more day. So much about me you don't know, but if you knew me, would you stay? Am I crazy? Did you see me? Did you really tell me how you really feel? The world was hazy, the light was dreamy, like a magic spell. Vous pourrez retrouver donc les artistes de Broadway au Carré le 14 et le 17 novembre prochain à la Comédie Nation avec la création de cette comédie musicale My Life as a Musical de Adam Ovrette. Deuxième compagnie de comédie musicale ce matin à Cabaret 42e rue. Bonjour Christophe Mirambeau. Bonjour Laurent Vallière. Alors vous n'êtes pas le créateur de cette compagnie parce qu'on va entendre les musiciens et les deux créateurs sont pour l'un clarinettiste et l'autre bassoniste. Voilà, donc on les laisse s'installer parce qu'il y a 14 musiciens qui entrent maintenant sur le plateau du studio 105 à France Musique. Mais vous travaillez beaucoup avec eux. Christophe Mirambeau vous doit de très belles découvertes autour de l'opérette, autour de la comédie musicale. La revue des ambassadeurs de Cole Porter, redécouverte en France, c'est vous. Vous avez beaucoup travaillé sur l'album, j'allais dire, opérette de Julie Fuchs, Yes, qui est sorti l'an dernier. Et puis vous avez organisé notamment le concert Broadway Lights au Châtelet. Et là, vous préparez un nouvel album. Et quand je vous ai appelé la semaine dernière en vous disant « Christophe, venez nous présenter Yes, que j'avais beaucoup aimé et qui repart en tournée en France, là, l'opérette de Maurice Yvain », vous m'avez dit « Mais Laurent, j'ai mieux ». C'est pas mieux, c'est différent et j'avais marrant parce qu'on est en train de répéter notre nouvel album, notre premier album avec les frivolités parisiennes et on enregistre dès lundi. Ah ben, je vois bien parce que dans la loge, il y a des dizaines de valises. Donc oui, c'est tout le monde est venu, les musiciens partent juste après. Et en effet, du coup, j'ai dit oh ben, c'est l'occasion que jamais de faire entendre en avant-première des extraits de ce disque qui est consacré, il va s'appeler Tifo Tout, et il est consacré aux échanges de comédie musicale et de spectacle musical entre Londres et Paris, entre la Belle Époque et les années folles, pour si on veut borner la temporalité de la chose, parce que on oublie, on ne le sait parfois plus, énormément de compositeurs français ont été appelés à Londres pour écrire des musical comedies. Et beaucoup de compositeurs londoniens ou de Broadway, parce que ça circule évidemment beaucoup, ont été joués et interprétés à Paris durant ce laps de temps. Et donc, j'avais envie qu'on explore, qu'on redécouvre tout ce répertoire et toute cette richesse musicale qui existe là. Et on commence par exemple avec un extrait finalement du spectacle qui a ouvert le Théâtre Mogador, si je ne me trompe pas. Absolument, on va entendre Some Sort of Somebody, qui est une chanson écrite par Jérôme Kern et Elsie Janis. D'abord, on l'a trouvée dans Misinformation à Broadway en 1915, et puis c'est un show qui a été un flop. Et deux mois après, en décembre 15, cette chanson est réutilisée dans un énorme succès de 341 représentations à Broadway, qui est Very Good Eddie. Et puis, le constructeur, Sir Alfred Butt de Mogador, qui construit Mogador pour sa maîtresse Régine Flory, qui est elle-même une vedette française à Londres, importe pour l'ouverture de Mogador la revue Hullo London, qui comprenait cette chanson de Very Good Eddie qui venait d'arriver d'ailleurs dans la capitale londonienne, dans la revue d'ouverture de Mogador qui s'appelle Hullo Paris, avec Some Sort of Somebody. Alors cet extrait de Very Good Eddie, vous l'avez dit, de Jérôme Kern en 1915, je vous raconte l'histoire parce que nous allons entendre Clémentine de Couture, Philippe Drocard. En fait, c'est un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune élève. Et en gros, elle lui répond « Oui, mais t'es gentil, mais tu tombes toujours amoureux. » Le frivole ensemble, 14 musiciens, Clémentine de Couture, Philippe Brocard, en direct au studio 105 de France Musique. Have you ever really tried to concentrate? I don't know the meaning of the word. I know that while I'm 90 with a long red beard, I still be making up my mind. Procrastination is a habit to be feared. You will always find some of the time you think you love a brunette. And a Spanish mother. Some of the time you some girl in this world of ours. I have also met a boy of you. And I have sipped the honey from the fairest flowers. I have sipped a little of it too. In every foreign country I have met my fate. I'll be your lover all my life. It seems to me that you'll be in a awful state. Some of the time you think you love a brunette. And 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et l'orchestre des frivolités parisiennes, je dois vous les présenter. Il y a deux violons, Thibaut Maudry, Florian Perret, à l'alto, Oriane Pocarchieni, au violoncelle, Florent Chevalier, à la contrebasse, Pauline Lazérès, à la flûte, Julien Verne, au hautbois, Damien Fourchy, à la clarinette, Mathieu Frano, au basson, Benjamin El Harbi, au cor, Manuel Escoriaza, à la trompette, Adrien Ramon, au trombone, Vincent Radix, à la timbale, au timbale, Benoît Morin, et à la harpe, Chloé Ducray. Ils sont là tous ce matin sur le plateau de 42e rue, et qui nous propose un second titre. Alors cette fois, c'est une opérette composée par celui que Benoît Dutertre, dans son livre L'opérette française, classe parmi les compositeurs plus traditionnels des années folles, Marcel Lattès. Comme André Messager, comme Reynaldo Hahn, il a composé pour l'opéra comique, mais voilà, c'est ça qui intéresse Christophe Mirambeau. Il glisse vers la comédie musicale en 1919 en créant carrément un spectacle en Angleterre, Maggie. Alors c'est l'histoire d'une modeste ouvrière qui passe un temps pour qui se fait passer pour l'illustre étoile de cinéma dont était pris son amoureux. Un spectacle qui sera ensuite montré 2 ans plus tard à Paris. Voici une des chansons titres de Maggie. En langue originale, donc, en anglais, Maggie the Movie Queen, Clémentine de Couture, Philippe Brocard et l'orchestre Frivole Ensemble et les orchestrations, j'allais oublier, de Mathieu Michard. I'm not royal yet, I'm a queen too, queen of lands I never have been to. Those who see me can't forget me. Maggie the Movie Queen, extrait de Maggie, la comédie musicale créée en 1919 à Londres. Bonjour Mathieu Frano. Bonjour. Et bonjour Benjamin El Harbi. Bonjour. Bonjour, ça ne marchait pas, allez-y. Votre micro ne marchait pas, allez-y. Bonjour. Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que les frivolités parisiennes? Alors là, vous êtes chacun à un instrument. Comment est née cette compagnie? Comment arrivez-vous à faire vivre comme ça un orchestre de 14 musiciens? Il faut demander aux musiciens comment ils sont nourris. Mais en fait, les Frivolités parisiennes, c'est un orchestre qui défend la musique légère, donc l'opéra comique de 1830 à 1930. Et en fait, nous, on était vraiment très attirés par le pluridisciplinaire, donc d'avoir des gens qui chantent, qui jouent la comédie, qui dansent parfois, de travailler avec, avec des musiciens classiques, mais de leur faire découvrir un répertoire, que ce soit dans le répertoire plus classique, donc Aubert, Massenet, etc. Et puis dans ce répertoire-ci, où on est au début du jazz, du swing, ouais. Et de travailler avec des gens comme Christophe Mirambeau pour nous faire... progresser dans ce répertoire. Benjamin, vous êtes bassoniste, vous vous intéressez autant à la musique de chambre qu'aux musiques actuelles ou musique afro-cubaine. Et vous, Mathieu Frano, vous êtes premier prix, je crois, du concours international de clarinette. Et puis vous jouez avec dans les grandes salles de concert. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à ce répertoire qui est différent de la musique classique sérieuse? En fait, c'est une passion. C'est vraiment, nous aimons ce répertoire et nous pensons qu'il est injustement, il n'est pas assez mis en valeur aujourd'hui à Paris. Et du coup, on avait envie de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a les musiciens qui sont au centre et c'est un projet porté par des musiciens. Mmh. Et à côté, il y a toute une équipe. On invite des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, il y a toute une équipe artistique, comme Christophe Mirambeau, comme Pierre Giraud, Mathieu Michard aux arrangements. Et c'est vrai que c'est toute une famille qui vit comme ça et qui essaye de défendre son répertoire. Mais pourquoi, vous personnellement, vous l'aimez juste par curiosité? Question de goût. Enfin, on aime ça. Vous avez grandi avec ça? Pas spécialement, mais Benjamin. Non, mais parce qu'aussi, il y a un côté accessible, en fait. On trouvait, parce qu'on a beaucoup d'amis qui ne sont pas obligatoirement dans cette famille du classique ou du lyrique, surtout. Et on trouvait que c'était vraiment une porte d'entrée, l'opéra comique et la comédie musicale, vers le lyrique et vers les musiciens classiques, la musique classique. Alors, l'an dernier, vous avez recréé une comédie musicale, une opérette, on va dire jazz, de Maurice Yvain, qui s'intitule Yes. Alors, Maurice Yvain, on le connaît, évidemment, le compositeur de Mon Homme et de nombreux succès de Maurice Chevalier et Miss Tinguette. Et voilà, je suis tombé sous le charme, je dois dire, de l'héroïne, Sandrine Bouyanidia, qui est là ce matin. Et puis, de cette présentation, c'était... avec simplement deux pianos cette fois-ci, hein, vos configurations sont très variées. Et ce matin, Sandrine est là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Yes est repris et sera en tournée au mois d'octobre, notamment à Compiègne, à Saint-Quentin, à Saint-Dizier et au théâtre Trévise. Je vous propose un extrait de Yes, la comédie musicale de Maurice Yvain, avec au piano celui qui a réorchestré cette pièce, Jean-Yves Hézic. Et la chanson titre s'intitule Yes. Je ne me doutais guère quand je suis partie pour l'Angleterre, en sachant seulement dire yes tout simplement, à quel point j'étais téméraire. Ah, c'est fou ce que ce mot peut être, dangereux, sournois, perfide et traître. Ce petit oui étranger est si doux, si léger, qu'il paraît sans aucun danger. Il ne faut pas s'y fier, car on est stupéfié de voir tout ce qu'il peut signifier. C'est un mot tout petit et par lequel on dit qu'on acquiesce. C'est un mot si gentil qu'il entraîne à toutes les gentillesses. Yes. Devant le régisteur, sans amour et sans peur, je m'amène à 3 heures. Et sachant que c'est pour rire que l'on va nous unir, je dis yes. Yes, yes. Au retour dans l'auto, votre main prend ma main, je la laisse. Yes. Grimpant sous mon manteau, elle voyage et prend de l'hardiesse. Yes. Me posant tout à coup, un long baiser dans le cou. Vous me dites, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous va? Est-ce que je continue? Yes. À l'hôtel, on arrive. Mon émotion était des plus vives. Me dites, mon petit loup, nous voilà bien chez nous, mais je restais sur le qui-vive. Puis vous dites, chère petite compagne, voulez-vous boire un doigt de champagne? J'eus la grande faiblesse, rien que par politesse, de répondre alors encore yes, car l'extra drap m'a mis sur les minuit et demi dans un charmant état d'esprit. Et Petit près de toi, tu me dis, prouve-moi ta tendresse. Yes. Un mari a le droit d'exiger, c'est la loi des caresses. Yes. Puis tu me fis tout bas, enlève donc tes bas et le reste tombant. Près de moi, viens dormir, croyant que c'était pour rire, j'ai dit yes. Yes, yes. Puis tu me dis, veux-tu que j'éteigne la lumière dans la pièce? Yes. Comme on est peu vêtu, chauffons-nous, viens chérie que je te presse. Yes. Et serré dans tes bras, doucement tu murmuras, sois ma maîtresse, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te le prouver. Yes, Sandrine Buendia à découvrir le 8 octobre au Théâtre de Saint-Dizier, le 11 au Théâtre Trévise à Paris, le 19 au Théâtre Impérial de Compiègne et le 21 octobre au Théâtre Jean Villard de Saint-Quentin. Un autre titre de Maurice Yvain, du jazz, j'allais dire lassif, une chanson créée par Yvonne Printemps. Je vous laisse découvrir Clémentine de Couture avec l'Orchestre des Frivolités Parisiennes qui chante la nuit. Mon ennui, quel et fous de nos promenades. Où sont tes serments cruellement tirés de mes tourments? Mais le cœur brisé sans renoncer, sans jamais se lasser, je chante la nuit. Ma voix te poursuit, implorant toujours un seul mot d'amour. Je chante la nuit. Extrait de cet album à venir, Tea for Two, par les Frivolités Parisiennes, Je chante la nuit, créé par Yvonne Printemps. Et on referme ce cabaret 42e rue avec une chanson méconnue de Gracely Boy et Gus Kahn, Everybody Rock With Me. Creepy melody, it just takes me, makes me restless as can be. It goes to my heart, my head, my feet. I give anybody in the house my seat. I want to dance, dance, dance, dance, dance till I drop. I don't ever, ever stop this rocking. Everybody rock with me. grand merci aux frivolités parisiennes pour cette avant-première de cet album qui sortira dans 2 mois chez Passavant. Vous pouvez participer à son financement sur la plateforme de financement Litchi. Cabaret 42e rue, préparé de main de maître par Martine Moni, Perrine Mingui avec Delphine Baudet, Régis Nicolas, Dimitri Scapolan, Philippe Mercher. On vous retrouve dans 1 mois pour le prochain Cabaret 42e rue avec les acteurs de West Side Story. Très bon dimanche, il est midi et 20 secondes. Vous retrouvez Stéphane Grant. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.